it when I'm at a mic, yeah. À toi qui est depuis une heure dans les embouteillages, toi qui t'es fait larguer, qui a du mal à tourner la page, à toi qui n'a plus rien à manger à la fin du mois. Quels que soient tes problèmes, j'ai composé cette chanson pour toi. On embarque sur le vol 707 à destination. Yeah. Un voyage pour la tête comme un vol d'évasion. Yeah. Allez, monte le son si t'as besoin d'évader. Yeah, yeah, yeah. Relâche la pression, écoute et laisse-toi aller. Well, well, si tu n'as plus de boulot depuis des mois, et que malgré toutes tes recherches tu restes sans emploi, et si pour toi cette situation devient un poids, dis-toi que la roue tourne, oui je t'en prie, écoute-moi, dis-toi qu'il y aura toujours quelqu'un pour te tendre la main. C'est vrai que ce disco peut te faire couler les larmes, même si tu sonnes à l'arme, tu es le seul maître de ton destin. Je te propose de t'évader, yeah. Allez, monte le son si t'as besoin d'évader. Yeah, yeah, yeah. Relâche la pression, écoute et laisse-toi aller. Yeah, yeah. Rien de tel, rien de tel, rien de tel, rien de tel qu'un bon petit reggae. Yeah, yeah. Rien de tel, rien de tel, rien de tel, rien de tel qu'un bon petit reggae. Pour se détendre. Pour se détendre. Imagine-toi sur une plage dorée, avec un petit cocktail à siroter, posé à l'ombre sous un cocotier. Fais ça et laisse tes problèmes de côté, yeah. Ça ne durera peut-être que le temps d'une chanson, mais fais le vide dans ta tête, laisse-toi guider dans le son. Il faut que tu l'admettes, tu sais que j'ai raison dans le fond. Laisse-toi porter par cette invitation à l'évasion. Allez, monte le son si t'as besoin d'évader. Lâche la pression, écoute et laisse-toi aller. Yeah, yeah. Rien de tel, rien de tel, rien de tel, rien de tel qu'un bon petit reggae. Yeah, yeah. Rien de tel, rien de tel, rien de tel, rien de tel qu'un bon petit reggae. Pour se détendre. Pour se détendre.